As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Pour ne pas faire de ton foyer un enfer. Où la femme ou l'homme peut même avoir des idées suicidaires parce qu'on en a marre de la vie. Et le bâtisseur de l'enfer, c'est la femme mariée ou c'est l'homme marié? Et ces choses se passent dans les églises. Parmi les gens qui se disent chrétiens et chrétiennes. Êtes-vous né de nouveau? Quand toi là dehors, tu continues à convoiter les femmes qui portent les pantalons. De quelle nouvelle naissance peux-tu nous témoigner? Branham dit, quand tu vois cette femme-là, une diablotine, avec les rouges, danger de mort aux lèvres, quand tu la convoites, cela veut dire que tu es la même chose qu'elle. Branham a dit, Tu ne peux pas apprécier quelque chose qui n'est pas de sa nature. Personne ne peut aimer une chose qui n'est pas de sa propre nature. Si tu développes des sentiments, ça veut dire que la mauvaise nature qu'on voit là-bas est aussi chez toi ici. Le mal qu'il y a là-bas est aussi chez toi ici. Vous êtes pareil aux autres mêmes primaires. Si l'un va aller en affaire, toi aussi tu iras là-bas. Chacun doit s'examiner. Nous devons nous examiner. Ça ne sert à rien de se flatter. De se consoler soi-même. Le consolateur vrai, c'est le Saint-Esprit. Au lieu de son consolateur et ensemble, au lieu comme ici consolateur et yomoko. À la place de la consolateur de Dieu. Oui, je sais que je vais bien. Je sais, non. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, avoir l'assurance que tu seras là-bas. Sans l'ombre d'un doute. Il est temps de se mettre en ordre. Il n'y a pas le moindre doute dans la pensée de toute personne. Ici qui est né de nouveau. Mais plutôt l'assurance. Qu'elle sera là-bas. Est-ce que cette assurance tu l'as vraiment? Aussi sûr qu'il existe un ciel là-haut. Vous devez y être. Vous là qui êtes né de nouveau, vous là qui avez le baptême du Saint-Esprit, vous devez y être. Chaque promesse s'accorde à cela. C'est tout. Soyez simplement ressuscité avec lui. Et alors vous vivrez avec lui. Vous l'aimerez et vous serez assis ensemble dans le lieu céleste attendant ce glorieux moment. Sommes-nous d'accord? Voilà une interpellation qui mérite d'être considérée. Il y a un enlèvement bientôt. Dans l'ombre d'un doute, c'est proche de nous. Les gens resteront. Mais il n'y aura qu'un petit nombre de gens qui y seront. Et ça se passera secrètement. Un peu comme c'était arrivé à l'époque de la première venue d'Élie. On a dit, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus répond, il est déjà venu. Quand? Mais c'était les mêmes gens qui avaient écouté Jean-Baptiste. Mais on leur dévoile des années plus tard. Élie t'a entendu et c'est même déjà fait. Au temps de la fin, Élie ne viendra pas secrètement. Mais c'est l'enlèvement qui sera secret. Plusieurs ont entendu parler de ça. Mais un de ces jours, vous poserez la question, Mais pourquoi tel événement se produit-il déjà? Et tel autre que je vois ici, n'est-ce pas qu'il devait y avoir d'abord? Il devait d'abord y avoir un enlèvement. La réponse viendra. L'enlèvement a déjà eu lieu et vous n'en avez rien su. Lisons quelque chose ici. Dans le sermon témoignage à Maël. Le 7 mars 1964. Paragraphe 89 à 91. Et c'est le moment où jamais pour la Pentecôte de s'unir avec le compagnon Jésus-Christ. En effet, tout ce qu'on est en train de produire, c'est un nid plein d'œufs pourris. Est-ce que nos églises sont en train de produire? Dans les milieux religieux que vous voyez, tout ce qu'on est en train de produire, c'est un nid plein d'œufs pourris. Réunis la foi, en train d'entrer dans le conseil œcuménique. Et appeler ça quelque chose de grand, que de s'asseoir près du pape. Et dire que c'est spirituel. Donc, les religieux, des pasteurs, des éminences et des révérends, quand ils ont été invités par le Vatican, dans les décennies, les années passées, ils sont sortis de là très consolés d'avoir été à côté du pape. Et ils ont appelé ça quelque chose de très grand et que c'était spirituel. C'est comme ce petit garçon, un petit menteur invétéré là. Le cola est qui est allé grimper sur un véhicule. Il est devenu une vedette. A voyez comment nous sommes un pays de Mabouki. On devient vedette à l'occasion de rien. Quelqu'un sort là comme un ivrogne. Et va supporter le bangangi. Yeah. Alors, il est devenu une vedette. Des bêtises comme ça. Il se fait recevoir par les riches. Et on les filme. Mboka Maboki. C'est pas possible. Un pays de comédie. Un pays de conneries. C'est vraiment du Congo ça. Congo. Pays de conneries. Et puis on prend ce petit garçon. Il a grimpé sur une lande grisère. Quand on le tire, prend. Il est mort comme il respire. Donc c'est dire que le mensonge est dans son sang. Alors, un tel gaillard, il se fait recevoir par riche et jusqu'au palais présidentiel que toi tu n'as jamais vu. Il est reçu par la première dame de la République. Moi si, il y a un mokili. Pays de conneries. Ça c'est du Congo. C'est vraiment le Congo ça. Et on le fait porter des habits et on se fait photographier. Et avec le président de la République, quoi? Encore Mutuya. Pour avoir menti, comme il respire. Ah non. On descend trop bas. Tu quittes dans ce coléca. Voilà, c'est ça le pays. Le ridicule, c'est ce qui est honoré. Mais les vraies causes, on va voir. Alors, ce monde n'est pas chez nous. Notre royaume est d'en haut. Pourquoi ne pas naître là-bas? Au lieu d'assister à toutes ces comédies, il va s'irriter jusqu'à piquer une crise d'AVC. Mais il n'y aura pas de changement. Et ils sont là en train de faire leurs histoires. C'est le moment où jamais, pour la Pentecôte, de s'unir avec le compagnon Jésus-Christ. En effet, tout ce qu'on est en train de produire jusque-là, c'est un nid plein de pourris. Réunis à la foi. Mais il se font appeler spirituel avec le comportement. Mais qu'avez-vous? Vous ne pensez pas, qu'avez-vous? Vous ne savez pas donc que la Bible a annoncé ces choses? Voyez, on pousse des grands cris parce que les méthodistes et les baptistes se joignent à nous. Et toutes les autres choses du genre. Ne vous rendez-vous donc pas compte que quand la Vierge endormie est venue acheter de l'huile, c'était alors même où le pot est arrivé. Et les folles n'ont pas reçu d'huile. Vous savez, l'enlèvement se passera si secrètement. Et le départ, un de ces jours, que vous n'en saurez, vous n'en aurez même pas connaissance. Ce sera terminé. Et vous vous demanderez ce qui s'est passé. Je souhaite que tu ne tombes pas dans ce genre de situation. Alors, la question t'est posée en direct. Seras-tu bientôt enlevé au ciel? Il est temps de se préparer. C'est comme quand Jean est venu. Ils lui ont dit, mais la Bible dit qu'Élie doit venir premièrement. Et il a dit, il est déjà venu et vous n'en avez pas eu connaissance. Il en sera demain un jour. Ils diront, je pensais que ceci devait se produire avant la période de la tribulation. Je pensais que l'enlèvement devait avoir lieu. Et ces mots pourraient revenir. Il est déjà passé. Et vous n'en avez pas eu connaissance. Mon ami, mais un jour tu vivras ça. Ça deviendra réel, tu entendras cette réponse. L'enlèvement est déjà passé. Et tu vas te demander, donc, n'a raté? Moi, je ne suis pas parti. Et tu te répondras à toi-même, oui, oui, c'est ça. Au comitouna, naï, n'a pas dit qu'on est. Moi, mon gomme, il peut s'aller. Et à son nom, il est là. Oh, mon colonne, naï. N'a pas de ministre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il n'y a plus rien à faire, tu vas subir. Tu n'auras rien à faire. Yo, qu'on soit bobéré, qu'on comme là, yo. Trop de légèreté. Ma camboa, l'icône, l'icône. Trop de négligence. Les cas. On s'habitue avec l'évangile et le message. Il n'y a plus l'état d'urgence dans le cœur. Les gens sont devenus lourds, froids. Ils racontent n'importe quoi. Et pas n'importe quoi. Mais Jésus revient. Il va enlever les siens. Seras-tu bientôt enlevé? Si tu es né de nouveau, si tu es la baptême de Saint-Esprit, sans l'ombre d'un doute, cet assurant sera dans le cœur. Si tu seras là-bas, et tu dois y être. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, ni baptisé du Saint-Esprit, tu peux déjà répondre non. À cette question qui t'est posée aujourd'hui. Tu peux déjà répondre non. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je suis encore loin de la chose. Alors, il faut courir dans sa présence. L'appeler sur la scène. Il intervient en ta faveur. Voyez. Oui. Il est peut-être que plus tard que vous pensez. Iyo, Mbalamususu, tango esiko le kanango le. Oh, réveille-toi, Église. Je ferais mieux de m'arrêter. Je ne suis pas venu ici pour la doctrine, Mais j'ai pensé, non, vous passez ça simplement comme, comme plat d'accompagnement. Na kokipe kotele mela awa na yake awa tempo na kotele mate ya muboko kasi na yake awa ubelete na pese bino likamboyo lokola likamboyo ekobilisa bino na nzela ekozala bino na elongo na nzela. Voyez ça? Vamo nyango. Rebranam. Leko branam. Il veut que nous soyons prêts. Alingete tomilengela. Il est envoyé pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Et il faut que son message soit transmis. Même si lui, de par sa constitution, sa réalité, avait l'impression de ne pas bien transmettre la chose, mais Dieu peut utiliser les gens pour que cela soit amplifié. Au sujet de cet enlèvement, il dit ça, dans le serment, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 368. Je vais blesser, c'est prêché le 17 mars 1963. Je vais blesser un petit peu ici. Mais ce n'est pas intentionnel. Voyez, pendant les minutes qui suivent. Voyez, juste une minute ou deux. Mais c'est pour que vous soyez certains de comprendre. M'entendez-vous? Et l'Assemblée l'a dit Amen. Écoutez. Je poursuis jusqu'au paragraphe 371 et 72. Regardez, pourquoi les hommes qui avaient marché avec Christ, ils lui ont posé la question un jour, pourquoi les Écritures disent-elles que Élie doit venir premièrement? Et c'était les propres convertis des gens. Mais il ne l'avait même pas reconnu comme Élie. Il demande pourquoi les Écritures, les docteurs disent-ils que disent-ils cela? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les Écritures disent-elles que Élie doit venir premièrement? Les disciples même qui avaient marché avec lui. Pourquoi les Écritures disent-elles qu'il doit venir premièrement avant toute chose et rétablir toute chose? Mais c'est ce qu'il a fait à une demi-douzaine de personnes. Asalaki on a battu 6 environ. Le grand événement annoncé là, mais Dieu l'a accompli pour 6 personnes. Le peuple disposé à recevoir le Messie. C'était 6 personnes environ. Siméon d'autrefois. Siméon Akala. Il y avait Anne. Anna Zalagi. Il y a eu Marie. Marie Zalagi. Il y a eu Joseph. Joseph. Ça vous fait déjà combien? Sur les millions de gens qui y avait là-bas. Il y a eu que ces petits groupes-là qui étaient prêts. Tous les autres, il a fallu que le Seigneur travaille lui-même pour qu'il vienne à lui. Dieu qui promet un si grand événement, et au moment de l'accomplissement, les bénéficiaires sont comptés au bout du doigt. Imaginez. Alors craignons Dieu. L'enlèvement qui vient se passera dans la simplicité. Ne mettez pas en tête un problème d'une grande multitude. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Il dit, mais il a fait pour une demi-douzaine de personnes. Et c'est tout ce qu'il en était. C'était le seul qui devait le recevoir. C'était ceux-là qui étaient destinés à voir cela. Et Jésus a dit, il est déjà venu. Et vous n'avez pas reconnu cela. Vous voyez? Siméon. Siméona. Anne. Anna. Marie. Malia. Joseph. Joseph. Zacharie. Zacharia. Et Elisabeth. Et Elisabeth. Ça fait combien? 6 personnes. Batu Motoba. Dans tout le peuple d'Israël. Israël. Ce sont ceux-là qui étaient connectés. Ils étaient immédiatement connectés au déroulement des événements. Tous les autres sont venus plus tard. Bah, vous, ce soir, bah, yende, na, sima. Six personnes. Bah, tu, motoba. Et vous y ajoutez la septième, Jean-Baptiste lui-même. Bah, c'est tout. Et si. Dites amen. Ce qui était vraiment branché à la prière. Quand il est venu naître. Quand il est venu naître. Quand il est venu naître. Il consort. Qui était connecté à ça? Miséricorde. Oh, l'enlèvement aussi vient de la même manière. Et te connaître la mécoya bobele bongo. Jésus a dit. Il est déjà venu et vous n'avez pas reconnu cela. Mais il a fait exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il ferait. Il les a rétablis pour tout cela. Ceux qui m'ont reçu et qui ont cru à moi, il a fait exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et lui ont fait ce que les Écritures avaient dit qu'il lui ferait. Et il est déjà venu et vous n'avez pas reconnu cela. Êtes-vous prêt? Voilà. Je vais vous donner un petit choc. Il en sera de même de l'enlèvement. Vous direz un petit nombre voté, vous dites oh, oui, oui, c'est possible. Nous l'avons lu dans Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a seulement peu qui le trouvent. Et comparé dans 1 Pierre 3 verset 20, au temps de la patience de Dieu, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, il y a eu un petit nombre de personnes qui furent sauvées à travers l'eau. Un petit nombre. Et il ajoute même 8. Quand Jésus vient, 6. Au temps de Noé, 8. Et au moment de l'enlèvement, combien? Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera encore. Je répète pour aider chacun à comprendre. Quand il envoie le déluge au temps de Noé, il n'a sauvé que 8 personnes sur l'ensemble des habitants du monde entier. Des milliers qui les étaient, il n'y a eu que 8 personnes, un petit nombre à sauver. Nikolo ya mikama na mikaba ya bato bazaki mabele mobimbao mobele momba pamba ndi babikisa maki natambo ya mau. Maintenant au temps de Noé, combien ont été enlevés? Natambo na Noa boni baneto ya maki. Un seul. Mutumoko. C'était Enoch. Enoch ndi muto neto la maki. Un enlevé. Mutumoko. Huit sauvés. Oye babikisa maki mombe. Oh le huit sauvés là? Oye à travers l'eau. Était le type de l'église dénominationnelle de Vierge Paul qui seront sauvés mais qui passeront par la grande tribulation. Mais le un seul qui a été enlevé là, Enoch, il est le type de l'épouse qui sera enlevée au septième âge de l'église. Et il y a une ligne, il y a pour ça que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Et dans la prédication future de mère de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, Dans son parallèle, Frère Branham fait une déclaration fracassante. Il dit, l'épouse de Christ qui sera enlevée, sera en nombre 8 fois moins que l'église qui passera par la tribulation. 8 fois moins. Na bongo na kokokanisa kama kambo maleka kalawana na oyo ikoya nende kobrana na lite yango na evangeli ikoya ya mobali na likolo na mwasi na se alobi maloba moko ezali kokobete na matema kolobete eteleje oyo koneto lama ekozala mbala mombe muke na oyo bakoleka ka na minyoko. 8 fois moins. Mbala mwamba ya mke ko kita. Ceux qui seront enlevés seront en nombre 8 fois moins que ceux qui seront sauvés après la tribulation là. Pour à travers la tribulation. Oyo bakoneto la mabakozala mwamba Maintenant la question, si au jour d'aujourd'hui, Dieu enlevait une seule personne dans le monde entier, est-ce que le monde en saurait quelque chose? Mutuna, ce qui le zambé à netoli mutumoko na lolo. Mugile ya bwe. Est-ce qu'il les remarquerait même? Bakoye bata ete mutumoko abungi. Est-ce que la presse en parlera même? Atako bato ya bilobela. Bakolobela ngo. Si n'enlève qu'une personne et que ce tour enlève. À netoli beli mutumoko ici. Comme au temps d'Enoch. Enoch seul marchait avec Dieu et puis Dieu l'a enlevé. Il est dans une très grande simplicité comme ça. Avançons avec cette méditation pour devenir plus sérieux. Je vais vous donner un petit choc. Il en sera de même de l'enlèvement. Ce sera tellement simple, sans doute, ça sera pareil. Si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours, et personne n'en saura rien. Ils allaient seuls te connaître la macara mingi te ko sala mazo kande mutata moko akoyeba na yete. Bon, vous ne vous levez pas tout de suite, hein, mais examinez ça une minute. Bote maintenant notre sikoy. Voilà, je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de temps. Conformez-vous à la parole. Et dis, je vais terminer sans doute. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple. Et les jugements vont tomber. Et les gens verront le fils de l'homme. Tandis que l'enlèvement, cela nous a passé. Et ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé avoir telle et telle chose? Et est-ce qu'elle ne devait pas nous être envoyée? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir un enlèvement? Et Jésus dira, il est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Dieu dans la simplicité. Je ne souhaite pas que l'un de nous se retrouve dans cette confusion. Confus à la fin. Après avoir entendu ce glorieux et précieux message, faisons tout pour être dans l'allègement. Amen. Encore une méditation à laquelle on a fait allusion en semaine. Mercredi. Dans la prédication étroite à la porte, je vais terminer par ça du volant. Pensons-y, quand même, ce sont des déclarations directes. Et de la négligence. Étroite à la porte, prêchez le 1er mars 1969. Paragraphe 84. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avenir du Fils de l'homme. N'est-ce pas la Bible? Écoutez, du temps de Noé, la terre était peuplée à peu près comme aujourd'hui. La science d'alors surpassait la nôtre. Elles sont construites de sphinx et de pyramides. Et ils ont réalisé des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. C'est un peuple remarquable d'une intelligence inouïe. Et souvenez-vous, la science déclare aujourd'hui, il est minu moin. Il reste une minute pour que l'horloge sonne l'heure fatidique. Il est plus tard que nous ne le pensons. J'ai confiance que le Saint-Esprit fera pénétrer ceci profondément dans le cœur de chaque croyant. Et alors là, je vais aller jusqu'au paragraphe 88. Ce qui arriva du temps de Noé. Combien ont été sauvés du temps de Noé sur cette génération-là? Réponse, 8. 8 sur combien de millions? Oui, sur bien des millions. Et il a dit, cela arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Oh, sur ces dizaines de milliers, trois ont été sauvés au temps de Sodome. Et c'était des milliers d'habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu n'en a sauvé que trois. L'autre et ses deux filles, car même la femme de l'autre a été perdue. Vous me direz alors, mes prédicateurs, qu'en est-il de tous ces milliers qui viendront avec lui? Réponse, eh bien frère, il a fallu bien des générations pour les rassembler. Amen. Et les milliers là sont tirés de plusieurs générations. Mais à notre temps, pour notre génération. Si c'est ceci, je serais surpris si il en sort une douzaine de cette génération ici. Moi, je serai surpris. Si lui, Dieu en sortira une douzaine de cette génération. Étroite est la porte, elle resserre le chemin, et il n'y en aura que peu qui le trouveront. Êtes-vous là? Et vous aimez ça? Quand on doit regarder les vrais élus, les semences prédestinées. Attention à ce que je dis. Les enfants adultérins ne peuvent pas être des élus. Les adultérins, les produits d'adultère. Or, notre monde en est plein. Et nos milieux de messages, il y en a. Mais ils ne peuvent pas être des semences prédestinées. Tu veux maintenant ceci. Paragraphe 95. Les statistiques indiquent qu'aux États-Unis, il y a plus de naissances d'enfants illégitimes que d'enfants nés dans les liens sacrés du mariage. Statistiques. Savez-vous que la Bible déclare dans Deutéronome 14? C'est plutôt Deutéronome 23, hein, que s'il y a un enfant illégitime, il faudrait 400 ans pour que cette infamie soit effacée. Les enfants des enfants des enfants de leurs enfants ne peuvent pas se tenir dans l'assemblée du Seigneur. Bana ya bana ya bana ya bana ya bana ya bango na bana na bango ba kokite kokota kati na itongana. Pour 400 ans. Pour les bons comme mini. 10 générations. 40 ans représente une génération. Et tes mibou tout mina ezal kota lisa ene. Et si son arrière arrière arrière arrière grand-père était un enfant illégitime, avec mwana oya makangu, il est disqualifié. Ya bongina likambongoti. Alors quoi? Nini? Montrez-moi où cela a été changé. Bota lisa ngai. Où est-ce que cela nous amène? Et maintenant nous avons des enfants illégitimes. À cause de l'adultère. Et des femmes pécheresses allant dans la rue habillées comme des hommes. Ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Des fumeuses de cigarettes. Des buveuses de cocktails. Des soi-disant chrétiennes. Mais que Dieu nous garde d'une telle bande de prostituées. Et c'est juste. Et c'est dire ensuite chrétienne. Rien de cela que Jésus a dit. Étroite est la porte, resserre le chemin et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils sont empêchés. N'y a-t-il pas des gens ici parmi nous dans un état d'empêchement spirituel? Une lourdeur terrible. Et apparemment, ils n'y peuvent rien. Et ils ne font rien pour se relever. Ils continuent dans cette lourdeur-là. Et ils ne veulent pas s'humilier. Je saute. L'une des remarques, ils ne veulent pas s'humilier. Je vais au paragraphe 98. Hein? Jusqu'à 99. Mais je prends des extraits. Il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Regardez comment on a sombré dans les milliers d'îles de chrétiens. Les gens ne veulent plus s'humilier. Et il n'y a plus de sincérité. Ils veulent dire je suis méthodiste. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste. Cela ne représente pas plus que ça. Pour Dieu. C'est juste claquer les doigts comme ça. Ton appartenance à l'église telle et tout ceci. Non, moi je suis Branabis. Je suis à terre de Branabis. Tu n'es rien. Oh, j'ai parlé en langue. J'ai accompli le miracle. Nous mettons tout l'accent sur cela. Alors que c'est l'une des choses les plus aveuglantes qu'il puisse y être. J'ai parlé en langue, j'ai le miracle. Mais âme perdue. Certainement la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. L'eau arrose la moisson tout comme elle arrose les mauvaises herbes. Mais c'est la même pluie. Le même Saint-Esprit qui descend sur les gens. Ça ne veut pas dire pour autant leur nature doit être différente. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Le problème, ce n'est pas de soigner les dehors. De donner les apparences. Mais le changement de nouvelle essence dont nous parlons doit commencer du fond du cœur. Et produire les résultats théoriques. Leur nature doit être différente. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Jusqu'au corps qui doit être transformé. Transmuté avant l'enlèvement. Non pas une manifestation ou une quelconque démonstration extérieure. Mais l'esprit du Dieu vivant à l'intérieur. Qui fait de cette personne une nouvelle création. Et qui humiliera son cœur défendu. Paragraphe 100. Vous me direz, prédicateur, vous voulez me dire que vous doutez qu'il y en ait une douzaine sur les millions? Sur ces 4 milliards qui peuplent la terre, réponse à cette question, je doute qu'il y en ait une douzaine qui soit dans l'enlèvement. Sur les 4 milliards qui peuplaient la terre en son temps. Aujourd'hui, le nombre a doublé. Nous sommes à près de 8 milliards sur la terre. Mais si sur les 8 milliards, on doutait qu'il y en ait 12 qui sont présents dans l'enlèvement. Maintenant que l'iniquité s'est aggravée, l'homosexualité qui n'était pas autorisée est maintenant autorisée par plusieurs nations européennes. Au lieu que les gens se convertissent et s'améliorent, ils deviennent pires de plus en plus. Mais si en ce temps-là, l'on criait plus contre les avortements criminels, l'homosexualité n'était pas un fléau mondial. Mais maintenant c'est devenu à la mode. Même la reine d'Angleterre qui est morte aurait dit pendant son vivant que pour assister certains gouvernements africains qui avaient besoin de l'aide, il fallait qu'ils autorisent les mariages gays, les mariages homosexuels. Alors, je ne sais pas si je suis en Angleterre, mais je suis en Afrique. Et si je suis en Afrique, je suis en Afrique. Voyez tout ça. Et au Qatar, on organise la Coupe mondiale. Un avion européen est venu avec les dessins des homosexuels mariés. Et une équipe à bord. Ce pays a renvoyé l'avion avec les joueurs à bord. Pour qu'ils aillent changer l'avion. Et on dit un pays musulman. Y a-t-il un pays de confession chrétienne qui peut faire ça? Vous allez dans Mboko où y a ma Christ qui vous sera bon. Voyez frère. Les gens ne sont plus sincères. Et la haine ne se va pas dire chrétienne. Un pays passoire comme ça. Et mon conseil à moi si on a coupé qui on a. Alors comme il obéit à mon Christ. Bongo. Mon Christ est bongo. Non, je dis la RDC. RDC à OP. Va te dire chrétienne. Un pays passoire. Où les gens sont dans la danse. Et dans la boisson alcoolique. Dans la prostitution. Dans les détournements des deniers publics. Le vol. Et les désordres publics. Chers amis. Quand est-ce qu'on sera capable de faire ça? Pour nous faire respecter. Trop de lâcheté comme comportement. Miséricorde, hein? Mais ce sont les chrétiens qui doivent relever les défis. Il doit y avoir une minorité des hommes convaincus qui peuvent défendre leurs convictions. Je doute qu'il y en ait une douzaine qui soit dans l'enlèvement. Pensez-y. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit ici dans l'évangile. Pensez-y. Il sera surpris si Dieu en sort une douzaine, mais il doute qu'il y en ait une douzaine. Et il appuie ça sur la parole. Et c'est le prophète qui prépare le retour de Christ qui vous dit ça. Cher ami chrétien, chrétienne, quel effet ces paroles produisent-ils sur ton cœur? Et ça l'inini na motema na yo ya yo. Tu trouves ça comme un jeu comme ça, et le bambi kaka bongo, et puis on zonga kapeka kaka bongo, na momé sa nona yo be bongo. C'est comme par habitude, tu entends, tu rentres. Oui, il faut se battre plus fort que jamais auparavant. Toi, c'est que le bunda. Comprendre qu'il ne faut pas être naïf, vous ne serez pas enlevé dans la naïveté, parce que vous imaginez que vous serez enlevé, mais il faut vaincre réellement. Et c'est réalité. Qui doit se distinguer parmi ceux qui courent? Si sur les milliards qui peuplent le monde, il n'y aura pas 12. Toute l'église confondue. Si Dieu confirme que ça se passe comme ça, seras-tu enlevé bientôt au ciel? Ou tu prends ça à la légère, comme si le ciel est déjà acquis? Saint-Esprit est en angoté, Moufandika. Naba Saint-Esprit, le coup de l'eau, comme il faut que l'église envoie, naba assemblée. On est en train de distribuer aujourd'hui le Saint-Esprit comme si c'était des. Et comme le Golangou bandé prédicateur, c'était des cacahuètes. Au pour Zango, il faut les capar moi. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par moi. Tous ceux qui ne sont pas passés par moi ne peuvent pas l'avoir. Il y a des bandits pareils dans le monde. On tombe, on nous fait que tomber plus bas. Que Dieu nous aide à chercher sa vraie face. Et na fulu kaka elongi na yasolo. À nous qualifier auprès de lui. Comme il a dit ça, car obéir par naïma. Nous allons gagner faveur et abattre avant lui. Nous cherchons pas. Comme Lucas dit, nous sommes des moutons guillaou. Adam mortel le colayo. Oui, il est aussi mortel comme toi. Voilà pourquoi tu as battu Zambé Yemé. C'est lui qui fait rentrer les gens, c'est Dieu du ciel. Cherche sa volonté. Lucas, mon canonaï. Que Dieu te bénisse. Zambé a pas volé. Il t'a aimé, non? Elle est guidée, yo. Maintenant, il t'a parlé dans l'amour. Amen. Pour te distinguer d'avec tes contemporains. Il t'a délié déjà tes péchés? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Pour toi personnellement. Jésus t'a dit déjà délié de tes péchés? Oh, je ne vous entends pas. Oh, masumunayo akalawana obotama nango elibotana bino ba defo elibotana bino yango defande la yo. Et qu'on jaka yo kaka. Il faut qu'il ait déjà délié ta vie à toi de tes péchés. Et tu sauras que tu es dans un processus qui va t'amener à l'enlèvement. Même si tu n'es pas encore arrivé au top. Mais par sa grâce, tu y arriveras. Comme je le disais ici il n'y a pas longtemps, des expériences salutaires. Nous devons en multiplier. Nous devons en avoir de plus en plus. Qui nous montre et nous rassure. Et Dieu nous amène pas à pas vers le plein salut de nos âmes. Et ça, ma camboya, visa, n'a garantie, il y a maison T. Ce n'est pas un problème de visa de garantie locative. Ou de garantie locative. Bon, bon, bon, c'est pas ça. Les expériences ayant trait au salut. Il vous faut en avoir selon l'ordre que la parole a donné. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Ensuite, celui qui veut venir après Jésus-Christ doit renoncer à lui-même. Il doit se changer de sa croix. Il doit le suivre jusqu'au bout. Il doit mourir à lui-même. Et il doit naître de nouveau. Tout ça, ce sont les expériences. Salutaire. En avez-vous reçu? En avez-vous quelques-unes? La grâce de Dieu est encore là. Nous pouvons aller à genoux à l'autel. Pour nous humilier devant Dieu. Refuser de ressembler à la génération actuelle. Accepter l'humilité. Choisir la sincérité. Et Dieu honorera les personnes sincères. Que Dieu vous bénisse. Tenons nous debout pour la prière maintenant. Cantique Hosanna numéro 128. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Mon ami Matosele Naye, Yabosembo, Pé Yabopoli, Otozi, Katina, Colonna Bishop Christo. Prions chacun maintenant. Repasse en mémoire la prédication entendue ce matin. Comment le Seigneur Jésus est celui qui t'a aimé. Il a prouvé cet amour en répandant son sang pour le salut de ton âme. Il t'a délié de tous tes péchés pour faire de toi un roi, un sacrificateur. Il a promis de revenir pour enlever les siens. Et nous devons être vrais et sincères, marchant dans sa sainteté, dans sa volonté, tous les jours de notre vie. Prions chacun. Puissant, notre Père Céleste, c'est pour nous un privilège que de nous tenir devant ton trône pour exprimer par la foi les besoins de nos cœurs et aussi t'exprimer notre adoration, nos reconnaissances et remerciements. Tu es Dieu qui a fait toutes choses. Tu es Dieu qui nous a aimés. Ceci est prouvé et compris. Laisse que dans nos cœurs chante ton amour. L'amour du Sauveur, l'amour rédempteur. Ils sont notre thème jusqu'au jour où nous passerons de ce monde à l'autre. Mais à nous les armures spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. Et c'est là jusqu'à la dernière victoire. Fais grâce à chaque frère, à chaque sœur dans ce sens, qu'ils se sentent entourés par toi, qu'ils se sentent aimés de Dieu, rassurés dans les voyages, sécurisés pour l'éternité. Maintenant que tu vas bien, c'est évident, il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'enlèvement est certain. Mais nous voulons être prêts. Pas juste une personne, mais chacun de nous qui est sincère et qui veut s'humilier. Il a besoin d'être prêt. Chaque personne ici. Mais celui qui apprête, c'est toi. Nous ne pouvons pas nous dire près de nous-mêmes. Car c'est toi le juge qui nous pèse. C'est toi le formateur qui nous forme. C'est toi qui sais ce que tu veux obtenir. Laisse que chacun s'abandonne à toi. Complètement et entièrement. Fais de chacun comme bon Dieu. Taille-nous et façonne-nous. Signons le nom pour être prêt. Et que dans l'enlèvement, nous soyons le nom. Quel que soit le nombre qui parle, notre prière sincère est d'être trouvée là-dedans. Ne laisse pas un ébranlement secouer quelqu'un. Un découragement envahir quelqu'un. Une lâcheté s'emparer de quelqu'un. Mais laisse que chacun prenne ses choses dans la foi comme geste d'amour de la part de Dieu qui nous secoue et veut nous montrer à la fois. Amen. Étends ta main miséricordieuse sur les traces des pas de chacun. Pour le conduire aux expériences sanitaires. Jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous sommes faibles. Amen. Nous n'avons pas d'autre maître que toi. Seigneur Jésus, nous sommes faibles. Amen. Et nous t'appartenons. Amen. Nous y resterons jusqu'au bout du voyage. Amen. Et que ce soit nos prières, bénis cette église. Amen. Et toutes les églises de Dieu. Amen. Tous les services vivants. Amen. Ministères établis. vis-à-vis de toi. Bénis de partout dans le monde. Plus Dieu est prospère. Amen. Dans les puissants de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. On profite des combats. Grâce à Dieu.